Bonjour à toutes et à tous, nous voilà à nouveau ensemble pour partager ces prochaines minutes bonheur. Tous les mardis à 8h et 13h30. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler du cercle vertueux. Alors, le cercle vertueux, qu'est-ce que c'est ? Un cercle vertueux est un ensemble de causes à effet qui améliore le système entier. C'est l'inverse d'un cercle vicieux. Le cercle vicieux est un ensemble de causes et d'effets qui dégrade une situation, lorsque le cercle vertueux est un ensemble de causes et d'effets qui améliore une situation. Ce terme est employé dans l'économie, l'éducation, l'agriculture et sur l'aspect qui nous intéresse aujourd'hui, la psychologie. Avoir confiance en soi fait réussir, ce qui donne confiance en soi. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression de tourner en rond, de ruminer les mêmes pensées, de stagner, de répéter les mêmes gestes, les mêmes erreurs? Qu'y a-t-il de plus déprimant et consternant que de se voir rester dans le même cercle vicieux sans réussir à s'en extraire? Les conséquences, rien ne va plus. Cela vous semble difficile de sortir de certaines situations? Eh bien, le cercle vertueux, c'est l'ensemble de pensées positives qui amènent plus de positif dans notre vie. Plus de personnes positives, plus de connaissances, plus de solutions aux problèmes. Les exemples sont sans fin. Le cercle vertueux, c'est zéro négativité. Mais attention, en aucune façon cela signifie de fermer les yeux, juste de focaliser notre attention sur les solutions, pas sur les problèmes. La nuance est de taille. En procédant de la sorte, il se crée un phénomène boule de neige vertueux qui chasse le négatif, l'obscurité, en ouvrant grand de la voie aux solutions. Le positif entraînant plus de positif, donc plus d'abondance dans notre vie. Ce qui importe, c'est la focalisation sur un point particulier, un symbole empirique suffisamment puissant dans l'histoire des hommes, capable de nous aider, nous aussi, par la puissance de nos pensées, à nous sortir de notre condition. Alors, dès lors que le constat est fait, comment renverser la vapeur ? Comment stopper cette descente et amorcer ce cercle vertueux? Par le changement des habitudes. Lorsqu'on fait continuellement la même chose, on obtient continuellement les mêmes résultats. Si ce que nous faisons ne fonctionne pas, il faut faire différemment. Remettre donc la machine à essayer en route et observer, ajuster, recommencer, faire autrement, tomber peut-être, mais toujours se relever. Changer ses habitudes, comment y parvenir ? Je vous propose de choisir une petite étape de votre routine quotidienne chaque jour ou tous les 2 ou 3 jours. Ce peut être votre rituel du lever, votre petit déjeuner, votre mode de déplacement pour aller au travail. Isolez cette petite étape, cette action, et réfléchissez à deux ou trois choses que vous pourriez faire à la place. Ou bien, répondez à cette question. Comment pourrais-je faire autrement pour obtenir ce résultat? Par exemple, vous pouvez changer le contenu de votre petit déjeuner ou bien le prendre en tête-à-tête avec votre mari, ou bien vous installer dehors quand le temps le permet. Choisissez parmi ces nouvelles idées celles que vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. Programmez-la et en avant. Essayez régulièrement de nouveaux petits changements et sentez la différence. Revenons à notre cercle vertueux. C'est ce qu'on appelle aussi la causalité circulaire. Voir le résultat de ses actions et agir en conséquence. Il y a une boucle continue entre l'information et l'action, et donc interaction. L'action influence l'information et l'information influence l'action. C'est ainsi que fonctionnent naturellement nos fonctions internes comme la température du corps, l'équilibre, l'insuline. Elles s'adaptent en permanence aux modifications de l'extérieur. Elles s'autorégulent. Pour sortir du cercle vicieux, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. Et pourtant, vous allez me dire que cela n'a rien de confortable de rester des heures, des jours, des semaines, des années à ruminer, râler, avoir l'impression de subir sa vie. Cela n'a rien de confortable, mais cela a le mérite de n'exiger aucun effort ni aucun changement de votre part. Vous savez faire à la perfection. Il est donc temps de changer l'orientation de vos pensées. La pensée est créatrice. Vous attirez ce à quoi vous pensez. Si vous pensez que cette journée va être catastrophique et laissez vos comportements sous l'emprise de pensées noires, il y a peu de chances que cette journée soit lumineuse, pleine de joie et d'agréables surprises. Pensez positif. C'est la tonalité de votre état interne qui détermine vos comportements. Si vous êtes maussade, le regard sombre et vers le sol, les épaules rentrées vers l'avant, la démarche lente et lourde, difficile d'avoir un comportement de gagnant, positif et dynamique, redressez-vous, souriez. Faites différemment. La bonne humeur génère de l'énergie et de la résistance pour faire basculer vous aux épreuves. Vous ne risquez rien sinon de réussir. Si vous ne changez rien, aucun risque à prendre, mais aucun résultat. Osez. Si nous focalisons régulièrement notre esprit sur l'inquiétude, l'autocritique et la colère, le cerveau prendra petit à petit la forme de l'anxiété, de l'autodénigrement et de la réactivité exacerbée aux autres. En revanche, si nous incitons régulièrement notre esprit à noter que nous sommes bien dans l'instant présent, à voir ce qui est bon en nous et à lâcher prise, le cerveau prendra peu à peu la forme de la force tranquille, de la confiance en soi et de la paix intérieure, selon Rick Hanson. Il est donc temps de voir la vie avec le verre à moitié plein, de changer ses habitudes pour rentrer dans ce cercle vertueux qui s'offre à vous. Je vous laisse à toutes ces pensées sur le sujet et je terminerai aujourd'hui avec cette citation. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté, a dit Winston Churchill. À mardi prochain, je vous embrasse très très fort et une très très bonne journée à vous tous.